fait, moi je l'ai calé sur une basse batterie, quand je le fais, donc la basse batterie complète, avec l'ensemble complet, mais il faut le caler sur plus de 32 mesures. Il faut le caler sur plus de 32 mesures et le faire tourner lentement pour que ça fasse la longueur. Comme ça, ça fait couplet-refrain. Tu fais le couplet, ça c'est couplet, et le refrain, tu fais la descente. Improvisation. faisait le rythme. Les violons dans la musique classique. D'ailleurs, sur les synthés, c'est les sons que je préfère, les nappes, les cordes. Il y a un mec sur Ninjam là, qui est bon en arrangement classique. Une fois, il m'a fait un concert. C'est puissant, sûr, Mozart. C'est du chef-d'œuvre, on va dire. Mais en classique, dès que c'est trop. Voilà. Dès que c'est... Oui, mais Mozart, j'aimais bien, mais après, dès qu'il y a trop de parties, je décroche. Bah forcément, c'est beau, mais là, par exemple, rien que le morceau, il y a je sais pas combien de trucs. On s'y perd, quoi. Mais c'est magnifique. Mais moi, j'aime bien. En fait, j'ai vu que tu avais mis un message sur la vidéo de Malcim. Dans son concerto, ça t'a plu le concerto avec Malcim? Mais bon, on peut critiquer Mozart. Ouais, plus simple, j'aurais. À la limite, ce que je t'ai fait écouter, ouais, pour moi, il y a 4-5 passages Il y a 4-5 passages qui sont ensemble, mais qu'on pourrait travailler séparément pour faire des bofs, hein. Parce que justement, le passage des voix, ou le passage où la guitare répond, ou l'intro, en fait, tu les prends séparément, ça fait un morceau. Ça fait un morceau chacun. Bon, et c'est ça qui te dérange, c'est que en fait, dans la musique classique, en fait, c'est un assemblage de plein de parties, donc c'est beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que si tu les prends une par une, c'est magnifique. Et donc c'est pour ça qu'on fait Paganini tout à l'heure, la descente, c'est une partie. Et donc il suffit de rajouter juste D'accord. le couplet, et t'as le refrain derrière, et puis t'as fait un truc qui est un peu plus complet, quoi. Mais par contre, tu t'en sors bien, hein, parce que toi, en tant que chanteur, t'as l'oreille, et je t'entends chanter, et puis je t'entends quand tu prends la basse, hein, tu joues juste, hein, donc t'as l'oreille, déjà, c'est bien. Bon, t'as aimé le petit Malsim en vidéo? T'as vu? Tu sais que c'est un très grand compositeur, Malsim, parce qu'il a écrit le concerto, il a écrit les 100 parties, hein. De chacun. Les 100 partitions, il les a écrits. Pour que les mecs l'accompagnent. Et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse, et il a fait Oui, vraiment un grand j'avais orchestre. capté. Ouais. Ah, c'est tout à son Salut honneur David. en plus. Ouais, je l'ai regardé. Ouais. C'est vrai que le mec, il est. Bah, c'est un très grand C'est lui. compositeur, Ah, mais toi, tu t'imagines connais pas son le prénom parce matériel que qu'il a l'oncle écrit, est sur. lui. Et en plus, c'est un mec qui est vivant. Son On boîte, parlera de tout le lui une monde, fois qu'il elle sera est. mort. Sauf moi. Des surnoms. Mais déjà, on en parle un peu. Ah, mais j'ai regardé les concerts. J'en ai vu plein de trucs. Parce qu'après, quand tu vas sur YouTube, c'est tu t'en vois à côté et tu Bon, cliques, là tu cliques, tu on cliques. parle, on fait du Skype avec Nimbot là. J'ai vu une vidéo où il explique comment il faut jouer vite. Il explique comment il joue vite. Eh ouais, pour ton poste là, pour. Est-ce que tu as vu la vidéo où il fait voir toutes ses guitares, enfin une partie de ses guitares, où il y a Le je sais pas problème, il combien de peut être toujours stratos, les expliqué. mêmes Si tu stratos? travailles pas, tu arriveras pas. Ouais, bon, il en a une centaine. Ouais, je sais. La meilleure vidéo, et tu l'as pas vue, c'est quand il va acheter, je sais pas s'il est à New York, il va dans un magasin de musique, il va acheter une Strat. Il faut voir comment il la marchande. Une Strat, une relique qui était à 6000 euros, il la marchande à moitié prix. Franchement, c'est un super négociateur. Et une fois qu'il l'a acheté, il retourne, il a été avec une vieille Rolls et il la jette dans le coffre. Attends, ça te fait mal au cœur, t'as une guitare à 3000 euros là. Bam, il la jette dans le coffre. C'est rien du tout pour lui. Il attribue pas les mêmes valeurs que toi tu vas mettre dans ta gratte où tu t'es signé pour te la payer, quoi. Enfin, j'ai la même que lui. Lui, il en a une Et centaine, sinon, moi j'aime j'en bien ai aussi qu'une. quand il accorde ses guitares, le mec. À un moment, il prend des basses. Il essaye même des basses, il a des basses. Celle-là, tu la jettes pas au fond de la bagnole, hein. Attends, Je sais pas quelle heure il est pas il est soigneux. sans Si t'as vu vacances, toutes mais. ces guitares chez lui, il est pas soigneux. Elles sont étalées Je sais les pas unes sur quelle heure les il est. autres. C'est fou, quoi. Moi, il va falloir que je sorte là. Je vais pas pouvoir rester. Et par contre, en solo de basse, c'est dans beaucoup de morceaux, il y a les bassistes qui n'arrivent pas à suivre ce qu'il veut faire. Et c'est lui qui fait partie de basse dans certains morceaux. Et j'ai des solos de basse de lui. D'ailleurs, un jour, je te ferai écouter quand il est à la basse. C'est une tuerie, hein. Je n'en doute pas. Il a un bon son d'orgue là. Tom Will. On dirait bien un nom. Maintenant, on fait des bons instruments virtuels, comme on dit. Enfin, on est dans le monde du virtuel. Moi je m'en fous, j'ai mon piano Fender de 1970 et je le garde. Non, David il a un vrai Orgamon B3 avec une cabine Leslie. Non, justement, affût de ton oreille, Benjamin, si t'entends un vrai B3 avec une cabine Leslie, c'est pour des VST. Ouais, mais sauf que pour le transporter, mon gars, moi j'ai. Alors écoute, j'ai justement à ce propos, j'ai un gars qui est sur Clermont et qui collectionne des. Moi j'ai joué avec un clavier quand à l'époque où je faisais du Deep Purple, et ben c'était c'est son A. De Hammond, il avait le B3, la cabine Leslie, et puis on la sortait et à chaque fois. Avec des coups de pied dans la Leslie sûr, pour qu'elle reparte. Pas, mais moi quand je faisais le café concert. Région parisienne, on faisait Deep Purple, le clavier. Non, mais c'est pas mal le son quand même. Il avait une cabine Leslie, voilà. T'avais deux trompes, t'avais les petites trompes en haut et le gros haut-parleur qui tournait en bas. Et puis t'avais le Hammond derrière. C'est gros, ça fait manutention à chaque fois que tu sors. Ouais. Pour un déménageur. C'est le son de John Lord. C'est le son de John Lord avec un peu de disto. Là. Un peu de disto, ça fait le son à John Lord. Bon, bah, se coucher, moi, je décroche. Moi, je vous dis, les gars, à plus tard. Peut-être dans l'après-midi. Allez, ciao. Ouais, salut. À bientôt. Surtout si on va renverser la bière sur ton B3. Non mais là c'est quoi que t'as comme synthé ça? Moi je dirais que ça c'est du Nordlead, non? Mais Korg aussi ils font un synthé. Pas Korg, Hammond ils en font un petit. Ouais, c'est perso, c'est vraiment quand ils ont sorti ces claviers là, ils ont fait fort. On peut critiquer, mais moi j'en ai testé un une fois, c'est vrai que ça sort bien. Putain. C'est les rythmes. vent. Même en Fender Road, les sons du Fender sont pas mal aussi, parce que moi j'en ai un vivé, Fender. Déjà faut le transporter. Et il est en très bon état. Thank you. En fait, elles sont Deep Purple de... jusqu'à la mort, quoi. Ah, je suis sur le cul là. Ça, c'est un clavier, ça ? Franchement. Ah, ils ont fait fort là. Thank you. donne envie d'en acheter un. Tout avec le même synthé là. Franchement c'est bon ça. Un Nord C2. J'en veux un tout de suite. Ah non, c'était quoi? C'est pas Nord. C'est sympa, t'es... On remplacera jamais le son d'un orgue d'église, un vrai. Il y en a un pas loin de chez moi. J'ai eu le privilège de... Elle m'a fait visiter la nana qui jouait. Putain, c'est super. C'est pas mal, ça. C'est quoi, ça? Celui-là, de son? Putain, mais t'es super, toi. Ouais, elle m'a dit il y avait trois orgues. J'ai pas tout compris, hein. Je suis un peu à la ramasse. C'était la petite orgue, la grande orgue. Et l'accordage, elle m'a expliqué l'accordage. Le mec, il vient, il tord le haut du tube pour accorder. Enfin, j'explique mal aussi, mais le mec, il fait l'oreille, hein. Thank you. Mais ça c'est beau, hein. Je sais pas si c'est à toi, mais... Moi j'aime bien les trucs comme ça. L'album de Dépêche Mode en fait. Thank you. remercie de ce petit moment sympa. T'as des très jolis sons. C'était sympa. Je dois y aller parce qu'il y a mes... enfin, ma gamine et sa copine qui arrivent pour manger. A plus. Salut David, c'est ça ? Oh, c'est Benjamin.